إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on est désolé d'avoir tardé inshallah pour cette allocution et pour cette intervention et la continuité de notre cours. Exceptionnellement, comme il nous reste pas beaucoup de temps, comme en France le Adhan al Maghrib, c'est dans à peu près un peu plus d'une vingtaine de minutes. Alors on va essayer de raccourcir aujourd'hui, et on va pas commencer directement le nouveau chapitre, puisqu'hier on avait terminé hier la fin du chapitre précédent. Donc on avait terminé un chapitre, et donc il nous fallait aujourd'hui commencer dans l'étude d'un nouveau chapitre qui vont être liés à l'apprentissage de deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera As-Salam ou Al-Mu'min. Donc l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, il va faire allusion à l'un des versets qu'il y a dans Surat al-Hashr, et il va faire allusion au verset où il y a la mention du nom, l'un des noms sublimes d'Allah, qui est min al-asma al-husna al-salam wa kadhalika al-mu'min. Al-mu'min as-salam ou al-mu'min. Et c'est ça qu'on va étudier inshallah dans le chapitre prochain, et ça on le fera demain inshallah, si Allah nous le permet. On expliquera cela demain, bihaulillah. Là, comme on a une petite vingtaine de minutes, ce qu'on va faire, on va répondre à deux questions. Des questions qui reviennent souvent en ces périodes. Si on a le temps, deux questions, sinon une question. On va essayer de faire deux questions. Deux questions qui reviennent souvent en période comme celle-ci, surtout en période de confinement. Donc une première question, c'est cette question où beaucoup se posent, c'est le sens de... que celui qui meurt en période d'épidémie, celui qui est touché par al-Taroun, par la peste ou par une épidémie al-Waba, il est dit dans le hadith du prophète que celui qui meurt de Taroun, il meurt martyr, il meurt shahid. Et quel est le sens du martyr ici? Donc beaucoup se posent la question, est-ce que c'est comme le martyr de celui qui est mort dans les sentiers d'Allah, qui est mort fi sabilillah? Donc quel est le sens de cela? Ça, c'est une question qui se pose souvent en ces jours-ci. Et alors, ce qu'il faut savoir, il faut faire bien la distinction. Il faut faire bien la distinction, déjà premièrement, entre le terme shahid, lorsqu'on dit une personne, elle est shahid, ici-bas et dans l'au-delà. Donc, une personne shahid fit dunya, ou fit akhira. Donc, on a al-hukm al-dunyawi ou al-hukm al-ukhrawi. Donc, on a le statut et la règle liée à ici-bas, et puis on a la règle liée à l'au-delà. Lié à l'au-delà. Si déjà on fait la distinction entre ces deux choses-là, alors on pourra comprendre, Inch'Allah, la différence entre le martyr qui meurt dans le sentier d'Allah, qui a donné sa vie, et c'est bien dans le sentier d'Allah. Ensuite, il meurt, et il est tué dans le sentier d'Allah, donc on dit il est shahid, donc il est martyr. Et pour bien comprendre maintenant, en ce qui concerne d'autres catégories de martyrs, un jour le prophète a interrogé les compagnons en leur disant « Quel est le martyr de ma communauté ?» Et donc ils ont répondu « C'est celui qui est mort dans le sentier d'Allah. » C'est-à-dire celui qui est mort, hein, il a donné sa vie et c'est bien dans le sentier d'Allah, et il a été tué. Donc « Fil jihad fi sabilillah. » Et là le prophète a dit une traduction relative du récit. Donc, dans ma communauté, alors les martyrs seront peu. Idan haoula qalil. Qalil, ils seront peu. C'est-à-dire que si les martyrs, c'est juste ceux qui ont donné leur vie, qui sont morts dans le sentier d'Allah, si c'est juste cette catégorie, alors le prophète sallam a dit qu'ils sont peu. C'est pour ça qu'ensuite, on a des hadiths où le prophète sallam a mentionné cinq catégories, d'autres catégories de martyrs. Que s'ils meurent, ils sont martyrs. En l'occurrence, par exemple, le prophète avait mentionné celui qui meurt sous des décombres, par exemple, celui qui meurt noyé, celui qui meurt d'un mal de vente, le mabtoun. Et le mabtoun, ensuite, il y a eu un grand débat chez les savants. Celui qui meurt de la maladie du ventre, est-ce que c'est une maladie spécifique? Certains savants ont stipulé qu'il y avait une maladie spécifique, le mabtoun, c'est une maladie spécifique au ventre, qui fait que celui qui meurt de cette maladie-là, pour cause de cette maladie, il est martyr. Et d'autres savants ont dit c'est plus général, le terme est plus général, le mabtoun, ça englobe et rassemble toutes les maladies du ventre. Si une personne meurt de cela, d'une maladie liée au ventre, alors il est martyr. Donc on a des récits, on a un hadith, par exemple, le prophète sallam a mentionné cinq autres catégories qui font partir justement des martyrs. Et s'ils meurent de cela, donc ils sont martyrs. Ils sont minash shuhada. Et on a un autre hadith, d'autres récits, où que le prophète sallam, dans un autre énoncé, il a mentionné 7 catégories. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, al-Asqalani, lui, lorsqu'il a fait il a traité ce sujet-là, il a fait des recherches sur ce sujet-là, il a trouvé à travers des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a mentionné diverses, dans divers hadiths, et lui, il a remonté au nombre de 20, c'est-à-dire que 20 catégories au moins, 20 catégories qui justement, ont le statut de martyr. Et donc, vous avez vu, il y a plusieurs causes de mortalité qui font que la personne ensuite peut atteindre le rang de shahid, de martyr. Et ça, c'est très important. Pour ça, il y a beaucoup de savants qui ont dit qu'il y a de différentes catégories. En l'occurrence, ici, à titre d'exemple, on a mentionné le Hafid ibn Hajar, il a rapporté de lui, certains savants rapportaient de lui qu'il avait mentionné une vingtaine de catégories. Comme par exemple, la femme, par exemple, qui meurt d'un accouchement, elle est considérée martyr. Elle est considérée martyr. On avait dit tout à l'heure, celui qui meurt dans les décombres. On avait dit, celui qui meurt noyé. Et même ces catégories-là, par exemple, machallah, il y a des questions qui ont été soulevées par les savants. Les savants ont vraiment détaillé ce sujet-là. Et nous, on n'aura pas le temps vraiment de tout mentionner, tous les détails de ces questions. Mais je réfère les frères, Inch'Allah, ou les sœurs, si elles veulent faire des recherches, faites des recherches. Par exemple, les savants ont vraiment détaillé ce sujet-là. Par exemple, celui qui meurt noyé, de noyade en pleine mer. Ensuite, les savants ont traité le sujet. Est-ce que, par exemple, c'est pour un voyage d'obéissance? Une personne qui a fait un voyage d'obéissance, il est clair que là, donc, s'il meurt noyé, il meurt en pleine mer, il meurt shahid, il est martyr. Certains savants ont traité la question aussi. Maintenant, si c'est un voyage de désobéissance, qui était lié à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que lui il est martyr ou non? Ils ont tressé cette question. Donc vous avez vu, il y a des nuances à bien comprendre. Lakin, mais d'une manière générale, celui qui meurt de l'une de ces catégories, par exemple, sous des décombres, de noyade, d'un mal de ventre, d'un accouchement ou autre, il y a encore d'autres catégories. Alors, par exemple, en l'occurrence, à l'heure actuelle, celui qui meurt de Taroun, lorsqu'il y a une pandémie comme celle-ci, donc le prophète sallam dit que celui qui meurt, alors, avec la condition, vous avez vu dans le hadith, celui qui est dans une terre où qu'il est at-taroun, et donc, il patiente, en espérant la récompense d'Allah, et en sachant que tout ce qui se produira, c'est ce qu'Allah Jalla wa'ala a prédestiné, alors s'il meurt, il meurt martyr. Donc vous avez vu les conditions. Donc ça, c'est mentionné dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question qui se pose beaucoup, maintenant on revient à la question, est-ce que ce martyr-là, c'est le martyr qu'on connaît pour celui qui a été tué fi sabilillah dans le sentier d'Allah? Ce qu'il faut, comment qu'il faut comprendre cela, c'est qu'il n'y a aucun doute, comme les savants le disent, c'est que celui qui est mentionné dans ces catégories-là et qui meurt de l'une de ces causes de mortalité, par exemple, qui meurt de cela et dont le prophète sallam a qualifié cette mort, que cette personne qui meurt d'une telle mort est martyr et elle le rend de martyr, donc il meurt, il est martyr. Il est martyr. Il est shahid. Donc, il sera élevé au rang de shahid. C'est-à-dire, dans l'au-delà, dans la vie prochaine, après cette vie d'ici-bas, cette personne est shahid. Et il compte parmi les shuhada. Il comptera parmi les martyrs. Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, il faut bien le méditer. C'est pour ça que c'est vraiment une annonce qui est immense du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que cette personne atteint les rangs du martyr. Toute personne qui décède d'une cause, et cette cause de mortalité, est liée à une mortalité dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé que celui qui meurt de cela, eh ben, il est martyr. Cette personne a atteint le rang des martyrs, le jour de la rétribution, il sera avec les martyrs. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'on souligne et on insiste bien sur cela. Maintenant, la question, le rang, est-ce qu'il est comme celui qui est mort au combat, il a donné sa vie et ses biens? Alors là, certains savants se sont basés justement sur un hadith du prophète, que le prophète, en somme, a dit le meilleur rang, le meilleur degré, le plus haut degré, afdalul jihad, ou plutôt le meilleur des jihad, c'est celui qui est fait avec la vie et les biens. C'est celui qui va mourir dans le sentier d'Allah au combat avec sa vie, il va donner sa vie et ses biens, et ça, c'est le plus haut degré de afdalul jihad, c'est le meilleur des combats, c'est le meilleur des jihad. Les savants se sont basés sur ce hadith pour dire donc qu'il y a ce qu'on appelle tafadul. Il y a un ordre de mérite de martyr. C'est pour ça que certains savants nous expliquent ensuite, il y a un ordre de mérite. Donc la personne est morte, il meurt d'une mort liée à l'une des catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est martyr. Donc il sera martyr, sauf que certains savants, beaucoup de savants, nous enseignent qu'il y a un ordre de préférence, un rang. De préférence concernant les martyrs. Ensuite, donc ça c'est un point. Le deuxième point, on revient sur la subdivision qu'on a fait tout à l'heure, les deux catégories. Entre le statut dans cette vie d'ici-bas, on avait dit al-hukm dunyawi ou al-hukm al-ukhrawi. La différence donc qu'il y a entre ces morts. La différence entre, par exemple, celui qui meurt dans des décombres. Il y a eu un effondrement, et lui, par exemple, il meurt dans les décombres. Ou bien il meurt de At-Tarun. Ou bien il meurt noyé. Ou bien une femme qui meurt dans son accouchement. Donc on dit que, d'une manière générale, cette personne est morte martyre. Elle est shahid. Donc elle est élevée au rang de shahid. Donc premièrement, on a dit, par contre, il y a le jour de la rétribution, les savants nous disent qu'il y aura un ordre de préférence chez les martyrs. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne meurt martyr. Donc ça fait partie de la première différence. Deuxièmement, les savants disent que, par exemple, celui qui est mort dans le combat, qui a donné sa vie et ses biens, dans le sentier d'Allah, il meurt, lui, il a les règles liées au statut d'ici-bas et les règles liées au statut de l'au-delà. C'est-à-dire que lui a la différence de l'autre. Le martyr qui meurt avec sa vie et ses biens, qui donne sa vie et ses biens dans le sentier d'Allah, lui, eh ben, il n'est pas lavé, il n'a pas al-rusul, on l'enveloppe pas avec le kafan, il n'est pas enveloppé du kafan, il est enterré comme il a été tué, comme il est mort. Il est enterré avec ses vêtements, et dans la situation et dans l'état où il est enterré comme cela. Il est enterré comme cela. Pourquoi? Parce que ça, c'est les règles. C'est les règles liées au martyr ici-bas. C'est ça qu'on a dit à al-hukm ad-dunyawi. Ici-bas. Et c'est ça la différence avec l'autre martyr. L'autre martyr, celui par exemple qui meurt noyé ou qui meurt de l'waba, par exemple, il doit être lavé. Il est lavé et il est enveloppé dans un linceul. Il est enveloppé dans le linceul. Ensuite, il est enterré. Tandis que celui qui est mort dans le sentier d'Allah, qui a donné sa vie et ses biens, lui, comme on a dit précédemment, parmi les règles ici-bas, il n'est pas lavé, il n'est pas enveloppé dans un linceul. Il n'est pas enveloppé dans le linceul, il est enterré dans sa situation. Il sera ressuscité comme cela. Donc il sera ressuscité, c'est un haut rang ça. Donc vous avez vu la différence qu'il y a entre ces catégories-là de martyrs. Donc on a un martyr qui a le jugement ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'est le martyr qui a donné sa vie et ses biens dans le sentier d'Allah. Ça, c'est lui, là, aussi bien le jugement du martyr et les règles qui s'appliquent pour cela, ici-bas et dans l'au-delà. Deuxième catégorie de martyr, c'est celui qui a les règles qui s'appliquent dans l'au-delà. Les règles du martyr et le statut de martyr dans l'au-delà, mais pas ici-bas. Ça, c'est les catégories qu'on vient de mentionner, comme en l'occurrence celui qui meurt de l'Ouaba. Celui qui meurt de l'Ouaba. Donc lui, il a le statut dans l'au-delà, il sera avec les martyrs. Par contre, ici-bas, les règles de martyr ne s'appliquent pas. Du fait qu'il doit être lavé et il doit être enveloppé dans un linceul, ensuite être enterré. Donc ça fait partie des différences. Ça fait partie des différences. Et certains savants nous donnent une troisième catégorie, et ça c'est un rappel. C'est celui qui a le statut de martyr ici-bas, c'est-à-dire les règles du martyr s'appliquent pour lui ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Mais pas dans l'au-delà. En d'autres termes, c'est celui qui serait considéré comme martyr ici. Ici-bas, et donc les règles du martyr vont s'appliquer pour lui, du fait que s'il meurt dans cet état-là, il ne sera pas enveloppé dans un linceul et il ne sera pas lavé, il va être enterré dans cet état-là. Et ça n'empêche pas que la prière, bien sûr, pour le martyr, on prie. Mais lui, dans l'au-delà, il ne sera pas élevé au rang de martyr. Ça, c'est la troisième catégorie. Pourquoi ? Donc lui, il a le jugement ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Il a les règles qui s'appliquent pour lui ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Pourquoi ? Les savants, ils ont dit pourquoi ? Parce que nous, on juge selon l'apparence. Et si cette personne n'a pas été sincère, ça c'est pour le cas de celui qui n'a pas été sincère, qui en réalité, qui d'une manière apparente est mort et tombé dans le sentier d'Allah, mais en réalité n'était pas sincère. لم يكن يريد رفع كلمة الله جل وعلا بهذا الجهاد فما كان مخلصا لله جل وعلا فبهذا السبب de ce fait qu'il n'a pas été sincère. En réalité, lui, son but, ce n'était pas l'élévation de la parole d'Allah, que celle-ci soit élevée et qu'elle soit la plus haute. Et du fait qu'il n'a pas été sincère, si par exemple il a fait cela pour que les gens parlent de sa bravoure, pour que les gens disent que c'est quelqu'un qui était courageux, etc., s'il n'a pas été sincère, les gens ici-bas ne connaissent pas ce qu'il y a dans les cœurs. Seul Allah, Jalla wa'ala, sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc nous, ou les musulmans, on applique les règles ici-bas, c'est que d'une manière apparente, il est martyr, il est tombé dans le champ de bataille, il a desservi ses biens pour Allah, donc il est considéré comme martyr. Mais dans l'au-delà, s'il n'a pas été sincère, il ne sera pas élevé au rang des martyrs. Donc, vous avez vu ces trois catégories. Première catégorie, celui dont s'appliquent les règles d'ici-bas et dans l'au-delà. Deuxième catégorie, le martyr s'applique pour lui les règles de l'au-delà, mais pas ici-bas. Et celui, troisième catégorie, que les règles d'ici-bas s'appliquent pour lui, mais pas dans l'au-delà, il ne sera pas élevé au rang de martyr. Donc voilà, ça c'est une partie de la réponse. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est une question très très importante. Lorsqu'on parle comme cela, on parle d'une manière générale. Par exemple, le prophète en somme nous a enseigné que celui qui meurt sous des décombres, il est martyr. Que celui qui meurt, man qutila duna mali fa huwa shahid, par exemple. Celui qui meurt alors qu'il a essayé de défendre ses biens. Une personne, par exemple, a essayé de lui dérober ses biens, a essayé de lui voler ses biens, ou une personne qui essaye de s'accaparer, qui rentre chez lui et qui essaye de lui faire du mal, et il se défend, et il est tué. فَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِي فَهُوَ شَهِيدٌ. Le prophète Sallam dit que cette personne, s'il est tué dans ce cas-là, alors qu'il essaye de défendre ses biens, alors il est martyr. Ça fait partie des catégories. Ou celui, comme on a dit, qui meurt noyé, ou la femme qui meurt d'un accouchement. Tout cela, c'est des catégories. C'est des catégories. Comme celui qui meurt alors qu'il défend son... etc. Mais ce qu'il faut savoir, ça c'est d'une manière générale. Et en l'occurrence, nous on parle par exemple en période de Taroun, ici, de pandémie, lorsque la peste se diffuse et de manière plus générale les épidémies, la pandémie. Donc celui qui meurt de ça, le prophète en somme nous dit qu'il est martyr. Avec les trois conditions qu'on a dit, que cette personne, eh ben, sache que cela provient d'Allah, qu'il patiente et qu'il espère la récompense. Quand on dit que cette personne qui est mort en période de pandémie, il a été touché par ça, il a patienté, il a enduré, il espérait la récompense, et il sait que ça fait partie du destin de ce qu'Allah Jalla wa'ala a prédestiné, on dit qu'il est martyr. Mais ça, c'est une parole qui est générale et globale. C'est-à-dire, on dit, d'une manière générale, que celui qui décède de l'une de ses causes de mortalité, alors il est martyr. On le dit d'une manière générale. Sauf que, d'une manière individuelle, on ne dit pas que telle personne, en précisant son nom, Fulen, on dit que c'est un martyr. Et ça, vous voyez que les savants, vous retrouvez ça dans les livres de... Même les savants en ont fait un sujet de croyance. Ils en ont fait un sujet de croyance. Et Et vous trouvez ça, par exemple, dans Sahih al-Bukhari, où l'imam Bukhari lui-même a mis un chapitre, justement, concernant le fait de ne pas dire qu'un tel est shahid. De dire qu'un tel, d'une manière précise, est shahid. Donc on parle d'une manière générale. Celui qui meurt dans une épidémie, il est martyr. Que celui qui meurt noyé, il est martyr. Que celui man qutila duna mali, fa huwa shahid. Il est martyr, celui qui défend ses biens, son honneur, il est martyr. Man qutila fi sabilillah. Man qutil fi sabilillah, celui qui a été tué dans le sentier d'Allah, il est martyr. Donc on dit que ce sont des shuhada, des martyrs. Vous avez vu, c'est une parole qui est générale, basée sur les textes. C'est une parole qui est générale. Maintenant, la personne bien précise, une personne qui est morte d'une telle mort, narjulahu, on espère pour lui cela, mais on ne dit pas qu'un tel, en citant son nom de manière bien précise, est martyr. Cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez, ça n'exclut pas qu'une personne qui meurt de cela, le prophète a dit qu'il est martyr. Le prophète a dit qu'il est martyr, donc c'est une grande annonce. Ensuite, pour terminer, sachez que le rang de martyr, c'est un rang qui est immense. Celui que Allah Jalla wa'ala donne cette occasion-là, cette opportunité de mourir d'une mort de martyr, c'est un rang qui est immense. Regardez dans un verset, Allah Jalla wa'ala nous dit وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَمَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Regardez dans ce verset, Allah Jalla wa'ala dit وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Et Allah Jalla wa'ala nous dit, celui qui obéit à Allah et à son messager, il ils feront partie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Une traduction relative du sens du verset. Minan nabiyyin, parmi les prophètes, was-siddiqin, et les véridiques, was-shuhada, et les martyrs, was-salihin, et les vertueux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ensuite, à la fin du verset, Allah dit, et quel bon accompagnement de traduction relative. Donc regardez, Allah Jalla wa'ala dans ce verset a cité quatre catégories de ceux dont Allah Jalla wa'ala a comblé de ses bienfaits. Quatre catégories. Et regardez, il nous parle de ceux qui vont obéir à Allah et à son messager. Regardez le mérite, c'est un honneur pour le croyant de faire partie des obéissants à Allah. وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Ceux qui obéissent à Allah et qui obéissent à son messager. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Ceux-là seront avec ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes. Donc regardez, celui qui obéit à Allah et qui obéit à son messager, ils seront avec ceux dont Allah Jalla wa'ala a comblé de ses bienfaits, النبيين, avec les prophètes premièrement. On se décline avec les véridiques. Ensuite, Allah Jalla wa'ala, en troisième position, il a mentionné les martyrs. Regardez le rang. Et ensuite, as-salihin, de cette communauté. Et là, on comprend donc qu'il y a ces quatre catégories qui font partie des plus hautes catégories. Avant le martyr, on a le degré de an-nabiyyin, les prophètes. Les prophètes et les messagers, le plus haut degré. Ensuite, on a as-siddiqin, les véridiques. Et regardez, les véridiques, ça passe avant les beaucoup de savants disent c'est par ordre de préférence, que le verset ici mentionne l'ordre de préférence. Après les prophètes, donc on a les véridiques. Pour ça, les véridiques, ils disent qu'ils passent avant, ils ont plus haut degré que les martyrs, les véridiques. Et il y a des prophètes qui étaient décrits comme étant véridiques, comme Maryam, par exemple, la femme Maryam, la meilleure des femmes, de l'univers, par exemple, Maryam était décrite comme étant as-siddiqa dans le Coran, qu'elle était véridique. Par contre, beaucoup de savants, il y a une divergence, est-ce qu'elle était prophète ou pas, beaucoup de savants disent qu'elle, la vie le plus juste, elle n'était pas prophète, mais elle est au rang des véridiques. Par contre, d'autres prophètes ont eu le statut de véridique. Et ça, c'est le plus haut degré. Regardez, Abu Bakr faisait partie du rang des véridiques. Et ça, le rang des véridiques, ça passe au-dessus du rang des martyrs. Et ensuite, il y a le rang des martyrs. Il y a le rang des martyrs. Et ensuite, il y a le rang des vertueux. Des vertueux. Donc, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, ils seront avec ceux dont Allah, Jalla wa'ala, a comblé de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux de cette communauté. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quel bon accompagnement. Voilà, c'était pour répondre à cette à une question qui se pose, une question qui se pose. On a essayé de à travers ces minutes comptées, de répondre à cette question. Beaucoup se posent la question concernant ceux qui meurent de Had al-Waba ou de At-Tarun, le rang de martyr. Donc ils ont un rang de martyr avec les détails qu'on a mentionnés dans ce qui a précédé. Donc on n'aura pas le temps de mentionner une deuxième question. Il y a une deuxième question aussi, beaucoup de questions à se poser en temps de confinement. Ceux qui, par exemple, quelles sont les causes qui font qu'une personne, par exemple, en temps de confinement, il n'arrive pas à préserver, par exemple, sa langue, il n'arrive pas à éviter certains péchés, il n'arrive pas à s'éloigner de s'écarter de certains péchés qui l'écartent et l'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une question importante qu'on va répondre, inchallah, dans la prochaine assise. Dans la prochaine assise, juste ce qu'il faut savoir en terminant, c'est que, justement, celui qui comprend le tawhid, qui étudie le tawhid et qui comprend le tawhid, justement, tellement qu'il va vénérer Allah, tellement qu'il aura la crainte d'Allah, ça va le mener justement à s'écarter de tout ce qui peut l'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloigner d'Allah. Et c'est ça qui va nous éloigner ensuite, la cause éloignée des péchés. Pour ça, Cheikh Ibn al-Athaymin l'avait bien stipulé ça. Il avait dit le fait d'apprendre le tawhid, c'est déjà ça, c'est quelque chose qui va nous mener parmi les bienfaits, les mérites, les profits, c'est quelque chose qui va nous mener à la droiture, al-istiqama qu'on avait dit, la droiture à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers nos convictions. Vous savez, apprendre le tawhid, c'est pas seulement dès le départ. Beaucoup de jeunes, ils pensent qu'apprendre le tawhid, c'est de connaître, pouvoir distinguer entre les sectes, les mauvaises compréhensions, les compréhensions à corriger. D'abord, c'est d'abord avant ça, c'est d'avoir un profit qui est pour soi-même, de se rapprocher d'Allah. Et vous allez voir que la bonne compréhension du tawhid, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à s'écarter de tout ce qui nous écarte et nous les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que les croyants vont commencer à s'aimer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut que aimer une personne qui unifie Allah dans l'adoration. Lorsque vous allez vous rendre compte de la grandeur du monothéisme, alors lorsque vous allez voir une personne qui professe comme vous ce monothéisme, vous ne pouvez que l'aimer. Comment on va détester une personne, par exemple, qui unifie Allah dans la seigneurie? Une personne qui unifie Allah dans l'adoration. Une personne qui reconnaît les noms sublimes d'Allah et la perfection d'Allah à travers ses attributs. Une personne qui reconnaît Aqidat al-Salaf, la croyance de nos pieux prédécesseurs. Comment est-ce qu'on peut détester cette personne? Seuls ceux qui se détestent les uns les autres, comme cela, alors qu'ils professent la même croyance, c'est des gens en réalité qui n'ont pas compris encore ce tawhid. Pour eux, le tawhid, c'est juste une théorie. Pour eux, ils apprennent, c'est une théorie. On voit beaucoup de jeunes, pour eux, à l'apprentissage de la religion, c'est comme une parure. Ils s'enjolivent, ils s'embellissent avec cela. C'est juste une théorie. Mais il faut faire très attention. Il faut pas prendre cela comme juste une théorie. Lorsque le tawhid pénètre les cœurs, lorsque cette lumière pénètre les cœurs, alors c'est une purification. On doit purifier nos cœurs de toute forme de politisme, de toute forme d'injustice, de toute forme d'hypocrisie. Le musulman se purifie de toute forme de jalousie. Et c'est comme ça, lorsque les compagnons à l'époque du prophète avaient compris At-Tawhid, c'est comme ça qu'ils ont été unis et c'est comme ça qu'ils ont été soudés. Et Allah Jalla wa'ala dit فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah réunit vos cœurs. Et c'est pour cela qu'une personne qui comprend ce Tawhid, justement, il va faire que ce qu'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que vous allez voir que l'amour qu'il y a entre les croyants, l'amour réciproque, le fait qu'on doit être soudé, le fait qu'on est une nation unie, le fait qu'on doit être comme le prophète Sam nous a décrit, comme un édifice, يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, كَالْبُنْيَان. Le croyant était décrit kalbunyan, comme un édifice. Les gens ont une fraternité qui est solide, elle ne tient pas sur un fil. Et c'est ça les croyants, ils s'aiment les uns les autres, ils sont soudés, ils s'aiment réciproquement et mutuellement, ils se recommandent la vérité et la patience. Lorsque le tawhid pénètre nos cœurs, c'est comme ça que la communauté va connaître ce bien. C'est comme ça qu'on va éviter de s'envier et de se jalouser à travers les biens et les objectifs de cette vie d'ici-bas. Et c'est comme cela que vous allez voir qu'ensuite va apparaître cette croyance du monothéisme qui est dans les cœurs, elle va se refléter extérieurement. Wallahu a'lam, comme on a dépassé un peu du temps, Inch'Allah. Et on va se quitter sur ça, sur ce rappel, Inch'Allah. Et on essaiera de continuer demain sur notre allocution, Inch'Allah, toujours à la même heure à 19h, Inch'Allah. Et on s'excuse encore pour le problème technique qu'on a eu aujourd'hui. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.